Je me perds dans les hommages de mes trois biches. Je confronte la mort de mes proches. Chaque jour un peu plus, me désenterrer un à un. Sache que je le supporterai plus. La faucheuse exporte, peu importe les âges, où que tu sois l'enfant sage. La mort m'a tellement pris que j'ai rien à lui donner, encore moins lui envoyer. La mort est une pute à mes yeux, mon but sera de l'apaiser. Comme Jacques Mesrine, elle mourra. Que quand je l'aurai décidé, pour ainsi dire, de faire d'approcher dur. C'est une épreuve où faut du temps pour se relever, c'est sûr. Devant un deuil, on perd souvent patience et le goût de vivre. Je veux être leur fierté, c'est pour eux, je garde l'ambition de mon envie de réussite. La vie se finit sans aucun préavis. Crois-tu qu'avant que tu partes, la mort demandera ton avis. De mon vivant, je vivrai au jour le jour, ouais. Ouais, et qu'ainsi aille la vie. C'est pour nos proches qui sont partis, pour qui on veut le paradis. Qu'ils reposent en paix, frère, c'est souvent ce qu'on dit. Un jour on rêve les retrouver, on vit dans un cœur blessé. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. C'est pour nos proches qui sont partis, pour qui on veut le paradis. Qu'ils reposent en paix, c'est souvent ce qu'on dit. Un jour on rêve les retrouver, on vit dans un cœur blessé. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. En mars 2007, en cette date, j'ai rien oublié. Ce cancer t'a abattu comme un chien, comment l'oublier. Pour beaucoup, tu étais un ange tombé du ciel. Et tu as repris son plus bel ange à son bord, sans vouloir nous donner de tes nouvelles. J'espère que là où t'es, tu souffres plus. Que la douleur et toi peuvent ne communiquer plus. Que là où tu as retrouvé la santé perdue. C'est dire que je te reverrai plus, ça me casse l'envie. Continuer comme crier, casser la voix à Patrick Bruel. Tu m'as beaucoup appris en ce monde en 2009. Je suis ma route sans toi. J'essaie de pas tomber car tu n'es plus là. Comme quand j'étais petit, tu me relevais en me faisant comprendre que de chute était faite la vie. Mais que de se remettre sur pattes était et restera ton meilleur avis. D'ici on t'envoie le manque de ta présence. Ouais, depuis que la mort t'a pris. C'est pour nos proches qui sont partis, pour qui on veut le paradis. Qu'ils reposent en paix, frère, c'est souvent ce qu'on dit. Un jour on rêve les retrouver, on vit dans un cœur blessé. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. C'est pour nos proches qui sont partis, pour qui on veut le paradis. Qu'ils reposent en paix, c'est souvent ce qu'on dit. Un jour on rêve les retrouver, on vit dans un cœur blessé. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. Avoir vie auprès de moi, de toi, de ceux qui vivent. N'en rêve pas, personne se veut de l'épouser. Pourtant un jour notre heure sonnera, en se disant que quand ce le sera, il nous acquittera. Tout en sachant qu'à notre désespoir, elle ne le fera pas. Profite de ta vie avant qu'il soit trop tard. Vis tes envies au jour avant qu'il y fasse trop noir. Garde l'espoir, ne lâche rien, fais force. Bâtis ton chemin, même si c'est dur, le temps passe vite. Ne consomme pas en futilité. Car une fois consommé, tu te diras, t'en as pas assez profité. Tire le son de ce que je te dis. Car je me force toujours à regarder de face la réalité qui me perce les rétines. C'est le cœur blessé depuis que nos proches sont partis. Il nous reste que les souvenirs qui nous hantent la nuit. Mais n'oublie pas, n'en oublie pas, que dans nos cœurs ils vivent, ouais. C'est pour nos proches qui sont partis, pour qui on veut le paradis. Qu'ils reposent en paix, frère, c'est souvent ce qu'on dit. Un jour on rêve les retrouver, on vit dans un cœur blessé. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. C'est pour nos proches qui sont partis, pour qui on veut le paradis. Qu'ils reposent en paix, c'est souvent ce qu'on dit. Un jour on rêve les retrouver, on vit dans un cœur blessé. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. C'est un hommage pour nos familles et nos amis. C'est un hommage pour nos familles et nos amis.